Madame de Sévigné et ses enfants à la cour de Versailles, de Paul Lacroix. Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné, était restée veuve en 1651 à l'âge de 25 ans, après 7 années de mariage. Le marquis de Sévigné, qui estimait sa femme et ne l'aimait pas, disait-il lui-même, s'était fait tuer dans un duel dont la cause n'avait rien de bien honorable pour sa mémoire. Madame de Sévigné, qui aimait son mari et ne l'estimait guère, le regretta sincèrement et ne se consola de l'avoir perdu qu'en se consacrant à l'éducation de ses deux enfants, un fils né en 1647, une fille née en 1648. La marquise de Sévigné était une des femmes les plus remarquables du temps de Louis XIV. Elle appartenait, par sa naissance, aux plus hautes classes de la noblesse française, et elle avait été élevée avec la plus soigneuse sollicitude sous les yeux de son oncle, l'abbé de Coulanges, qui prit à tâche de cultiver en même temps la raison et l'intelligence de cette intéressante orpheline. C'est au conseil paternel de son digne tuteur que Marie de Rabutin-Chantal fut redevable du bon emploi qu'elle fit pendant toute sa vie de ses grandes qualités morales. Elle avait reçu de bonne heure une instruction aussi solide qu'étendue. Le savant ménage, son précepteur, lui apprit le latin, l'italien et l'espagnol en lui enseignant tous les raffinements, toutes les délicatesses de la langue française. Chapelain, qui passait pour le critique le plus judicieux, avait bien voulu joindre ses leçons à celles de ménage. La gracieuse élève de ces deux littérateurs éminents brilla donc à la cour d'Anne d'Autriche par son esprit autant que par sa beauté. Elle fut aussi une des précieuses les plus admirées de l'hôtel de Rambouillet, si célèbre par les réunions de femmes distinguées qui composaient le cercle fameux de la marquise de Montausier, car à cette époque, le nom de précieuse n'était pas encore pris en mauvaise part et ne s'appliquait qu'à des personnes d'un esprit supérieur. Après son veuvage, la marquise de Sévigné, qui était alors dans tout l'éclat de sa jeunesse, renonça au monde et se donna tout entière à ses enfants, qu'elle éleva comme elle avait été élevée elle-même. Elle vivait retirée à Paris, dans le quartier du Marais, sans vouloir reparaître à la cour et sans tenir compte des occasions qui s'offraient à elle de se remarier avec avantage. Elle bornait ses relations au commerce de quelques amis que lui recommandaient l'honorabilité de leur caractère et les agréments de leur société. Elle avait même fermé sa porte à son cousin le comte de Bussy-Rabutin, malgré l'attachement qu'elle lui conservait depuis leur enfance, quand ce gentilhomme, qui était maréchal de camp dans les armées du roi et qui pouvait aspirer à une position importante dans les grandes charges de l'État, s'il eût été plus sage et plus prudent, se laissa entraîner au courant d'une vie folle et désordonnée. Cependant, les deux enfants de Madame de Sévigné étaient en âge de faire leur entrée dans le monde, et la mère n'avait plus de motif pour continuer à se séquestrer avec eux dans une retraite presque claustrale. C'était à la fin de 1662. Charles de Sévigné avait atteint sa 16e année, sa sœur Françoise allait avoir 15 ans. L'un devait bientôt se préparer à entrer dans la carrière militaire. L'autre était déjà digne de paraître à Versailles, auprès de sa mère, la belle et charmante marquise de Sévigné, qu'une absence de 12 années n'avait pas fait oublier de ses contemporains de l'ancienne cour. Cette jeune fille se trouvait douée de tous les avantages que la nature avait départis à sa mère, mais elle n'en savait pas encore le prix, car elle était d'une modestie sans pareille et d'une excessive timidité qui ne diminuait pas la conscience qu'elle pouvait avoir de la distinction de sa figure et de son esprit. Son frère, au contraire, qui n'était ni moins beau, ni moins bien fait, ni moins spirituel, s'exagérait peut-être ses qualités et son mérite en se croyant appelé à marcher à l'égal des plus nobles et des plus brillants seigneurs de la cour de Louis XIV. Au mois de novembre 1662, la marquise de Sévigné reçut une lettre de François de Beauvilliers, comte de Saint-Aignan, premier gentilhomme de la chambre, qui lui annonçait que le roi avait parlé d'elle avec éloge et que sa majesté désirait la voir figurer, ainsi que sa fille, dans le ballet des arts, qu'on montait alors à Versailles pour y être représentée vers le milieu de janvier de l'année suivante. À la réception imprévue de cette lettre, Madame de Sévigné tint conseil avec ses enfants. Son fils ne se sentait pas de joie à l'idée d'être présenté à la cour, mais sa fille eût préféré se voir dispensée d'accepter un honneur qui lui causait d'avance tant de troubles et d'embarras. Une invitation du roi était un ordre, auquel il fallait se soumettre, sous peine d'être à jamais en disgrâce. Cependant, Madame de Sévigné cherchait un prétexte pour se faire une excuse et un motif de refus. Elle écrivit à son cousin, le comte de Bussy-Rabutin, qui était l'ami du comte de Saint-Aignan, et elle le pria de trouver l'excuse qu'elle put faire valoir. Bussy-Rabutin s'empressa de lui répondre qu'il n'y avait pas d'excuse admissible, que le roi avait daigné en effet remarquer son absence à la cour, et que ce serait perdre l'avenir de son fils, compromettre celui de sa fille et se rendre pour toujours indigne des bonnes grâces de sa majesté que d'hésiter à se montrer à Versailles avec ses deux enfants quand le roi daignait l'y inviter. Madame de Sévigné ne balança plus et répondit au comte de Saint-Aignan qu'elle était vivement touchée des bontés du roi à son égard et qu'elle se conformerait humblement aux intentions de sa majesté. La marquise de Sévigné reçut une lettre du comte de Saint-Aignan. De ce moment, tout était changé dans l'intérieur de la marquise de Sévigné. On ne songe plus qu'aux préparatifs d'un premier voyage à Versailles. Il y a bien un vieux carrosse sous la remise et un assez bon cheval dans l'écurie. Le second cheval est acheté, le carrosse est repeint et remis à neuf. Le cocher et le petit laquais auront des livrées neuves. Madame de Sévigné n'avait qu'à se souvenir pour aviser aux nécessités de toilette qu'exigeait une présentation à la cour. Les joailliers, les lingères, les couturières, les cordonniers, tous les marchands qui concourent à l'œuvre compliquée du costume féminin et masculin, sont mandés à la fois pour exécuter en toute hâte les habits de cour pour la mère et ses deux enfants. Depuis près de 12 ans que Madame de Sévigné était veuve, elle avait affecté la plus grande simplicité dans sa manière de se vêtir, mais elle n'avait pas perdu le sentiment et le goût de l'élégance. Ce fut donc elle qui prit plaisir à diriger et à inspirer les ouvriers et les ouvrières qui travaillèrent aux riches habillements que son fils et sa fille devaient porter à Versailles. C'était le commencement des splendeurs du règne de Louis XIV. Aussitôt après son mariage en 1660, le roi avait eu la pensée de faire de Versailles la ville royale et le siège de la royauté. Le petit château, construit par Louis XIII, n'avait pas été fait pour y établir une cour, et la cour la plus magnifique de l'Europe. Le roi s'était refusé toutefois à faire disparaître cet ancien château. Il l'avait conservé au contraire en souvenir de son père et il ordonna seulement en 1661 à son architecte Louis Levaux de faire un nouveau plan dans lequel il encadrerait de nouveaux bâtiments magnifiques le petit château primitif. On commença sur le champ les constructions qui furent poussées avec tant de vigueur et de promptitude que dans l'espace de 18 mois, on avait élevé une partie de ces bâtiments qui devaient composer le château neuf. Louis XIV se plaisait à suivre les travaux, et il était si impatient de prendre possession de sa résidence de Versailles qu'il venait de temps à autre occuper l'ancien château avec ce qu'on appelait la jeune cour. Mais les grandes réceptions avaient toujours lieu dans les châteaux de Saint-Germain, de Vincennes et de Fontainebleau, où la cour n'était pas gênée par l'exiguïté du local. Ce fut dans ces différents châteaux que se donnaient les représentations de ballets et de comédies qui ne furent définitivement transportées au château de Versailles qu'au printemps de l'année 1664. Louis XIV voulait cependant inaugurer, en quelque sorte, ce château par une fête théâtrale dès les premiers jours de 1663, où il avait commandé à Benserade le programme d'un ballet qu'il devait danser en personne devant les deux reines, la reine-mère Anne d'Autriche et la reine Marie-Thérèse, sa femme, avec sa belle-sœur, Madame Henriette d'Angleterre. Ce ballet, intitulé « Ballet des arts », se composait de 7 entrées ou intermèdes sur des sujets divers, savoir, l'agriculture, la navigation, l'orfèvrerie, la peinture, la chasse, la chirurgie et la guerre. Le roi avait choisi lui-même les dames et les demoiselles qui seraient chargées des rôles de danse dans chacune de ces entrées. C'est ainsi qu'il se rappela la belle figure que la marquise de Sévigné faisait dans les ballets de cour avant son veuvage, et ayant été prévenu que la fille de cette dame n'était pas inférieure à sa mère en beauté et en grâce, il avait manifesté le désir de les avoir toutes deux parmi les danseuses de son ballet. Les répétitions de la danse et du chant se faisaient alors une fois par semaine dans la salle provisoire du théâtre, et le roi ne dédaignait pas d'y assister avec les princes et princesses de sa famille. Madame de Sévigné fut donc invitée à venir passer 2 jours au château de Versailles avec sa fille et son fils, qui auraient chacun à remplir un rôle dans le ballet. Le jeune marquis de Sévigné devait être un des guerriers de la suite de Mars, à l'entrée de la guerre. Mademoiselle de Sévigné, une des nymphes de Diane, à l'entrée de la chasse. Quant à Madame de Sévigné, qui avait un caractère de beauté noble et majestueuse, le comte de Saint-Aignan lui avait réservé le rôle de Cybèle dans l'entrée de l'agriculture, où la duchesse d'Orléans avait demandé le rôle de Flore. L'heure de la répétition exigeait que tous les personnages du ballet fussent à leur poste, vers la tombée du jour, car le roi arrivait ordinairement à la répétition vers 7 heures du soir avec les deux reines et sortirait 1 heure après pour aller souper. La marquise avait décidé qu'elle partirait de Paris à midi pour avoir le temps de se reposer un peu avant la répétition. Au moment où elle montait en voiture avec ses enfants, un courrier, venu de Versailles à Franck Étrier, lui remit un billet sans adresse, fermé d'un cachet aux armes de Bussy-Rabutin. Elle l'ouvrit d'une main tremblante et reconnut l'écriture de son cousin. Le billet ne contenait que ces mots. « Je suis victime d'une infâme calomnie et gravement compromis. Il est question de m'envoyer à la Bastille et de me faire juger au criminel. Je me trouve fort en peine, chère cousine, si vous ne me venez pas en aide. » On m'assure que vous avez un crédit, que vous emploierez mieux que personne à me sauver. Dépêchez-vous de venir à Versailles. Je vous prie à votre arrivée de suivre le gentilhomme qui vous dira le mot du guet, c'est-à-dire « trop est trop ». Madame de Sévigné ne fit aucune réponse à cette lettre et se garda bien d'en rien dire à ses enfants, mais elle fut très préoccupée pendant le voyage qui ne s'accomplit pas en moins de 3 heures et demie. Ses enfants respectèrent sa préoccupation et restèrent silencieux, à leur place, en regardant distraitement ce qui se passait sur la route. Cette route, assez mal entretenue et semée d'ornières profondes, était constamment obstruée par des chariots de toutes sortes qui se dirigeaient lentement sur Versailles, où ils voituraient des pierres, du plâtre et des bois pour la construction du château, des rocailles, des tuyaux de plomb et des statues pour les jardins. Le cocher de Madame de Sévigné avait besoin de toute sa prudence pour éviter des chocs et des accidents que les charretiers ne songeaient pas à lui épargner, et ses plaintes, ses colères, ne servaient qu'à rendre sa position plus mauvaise et plus difficile vis-à-vis de ces gens brutaux et méchants qui n'écoutaient ni menaces ni prières. Le jeune marquis essaya de leur adresser la parole, mais il ne recueillit de leur part que des railleries, des injures et des éclats de rire. Charles de Sévigné, qui était tout fier de se voir habillé en gentilhomme, les menaçait de se plaindre à sa majesté. « Monseigneur, lui répondit d'un air moqueur le voiturier auquel il s'adressait, « Sa Majesté sera bien aise d'apprendre que nous ne cessons ni jour ni nuit d'apporter les matériaux sur les chantiers de Versailles pour achever les travaux de la bâtisse. Il y a tous les jours 2000 charrois qui passent et repassent pour le service du roi sur cette route où les carrosses ont grandement tort de s'aventurer. » En ce moment, passait sur la route, à travers un lac de boue liquide, une bien étrange voiture, qui n'était autre qu'un petit haquet traîné par un petit cheval qui galopait à fond de train en faisant jaillir autour de lui un déluge de boue. Ce haquet était chargé d'une espèce de bahut enveloppé de vieilles couvertures et de toiles de matelas, lequel oscillait à chaque cahot de la charrette en rendant des sons métalliques et des murmures plaintifs auxquels se mêlait une voix humaine. Ce singulier véhicule avait pour conducteur une vieille femme qui pouvait être prise pour une bohémienne à cause d'un costume de théâtre aux couleurs éclatantes qu'elle cachait sous un vieux manteau à capuchon rapiécé et un jeune garçon à la mine fine et malicieuse qui portait aussi un vieux costume de toile à carreaux bleus et rouges sur un véritable déguisement théâtral en velours rehaussé de passementeries d'or. Il avait sur la tête une calotte en cuir noir qu'il couvrait d'un immense chapeau de feutre à large bord surmonté d'une plume de coq. La voiture de Madame de Sévigné avait été si abondamment éclaboussée par le passage de ce haquet, qui était déjà loin, qu'elle ne présentait plus d'un côté qu'une couche de boue jaunâtre. Le marquis de Sévigné, indigné du vilain procédé des conducteurs du haquet, mit la tête à la portière et les somma de s'arrêter, sous peine d'avoir affaire au lieutenant civil du Châtelet de Paris. Les gens du haquet ne répondirent à ces menaces que par des éclats de rire, et fouettèrent de plus belle leur petit cheval qui les eut bientôt mis hors de la portée de la voix et de la vue. « Ce sont des coquins de bohémiens, » dit Charles de Sévigné avec emportement. « Ces fripons-là n'obéissent qu'au bâton. Si je les puis rencontrer plus tard, je les forcerai bien à essuyer avec leur langue la boue qu'ils nous ont envoyée. » « Fi donc, » reprit la marquise de Sévigné. « Iriez-vous, mon fils, vous commettre avec de pareils gens ?»« Si c'était des gens de ma sorte, » ajouta le jeune homme irrité, « ce n'est pas un bâton, mais une bonne épée, que je leur mettrais sous le nez pour les contraindre à nous demander pardon, madame ma mère. » Ils arrivèrent à Versailles, une heure après, et la colère de Charles de Sévigné se réveilla plus terrible quand il vit que la livrée du cocher et du laquais était mouchetée de boue et semée de taches comme une peau de panthère. Les alentours du château ressemblaient à un vaste chantier de construction. Partout, des ouvriers taillant les pierres, équarrissant le bois, martelant le fer. Partout, des charrois et des charretiers en mouvement. Ce ne fut pas sans peine que le carrosse parvint à se frayer un chemin entre mille obstacles jusqu'à l'entrée du château. Là stationnait un gentilhomme de grand air, coiffé d'un chapeau à panache noir, drapé dans un manteau de couleur sombre, la main gantée sur la poignée de son épée, les jambes serrées dans de grosses bottes de cuir verni avec éperons d'argent. Il attendait le carrosse, et il l'avait reconnu de loin aux armes peintes sur les portières. Il s'en approcha et le fit arrêter en saluant respectueusement la marquise de Sévigné. « Madame, trop est trop, » lui dit-il avec un coup d'œil d'intelligence. « J'aurai l'honneur, s'il vous plaît, de vous mener là où vous êtes attendu et souhaité, comme l'était, après le déluge, la colombe revenant à l'arche de Noé, avec une branche d'arbre verte dans le bec. « Monsieur, » répondit madame de Sévigné, qui, dans toute autre circonstance, aurait ri de cette comparaison assez ridicule, « veuillez me dire où il faut aller, et je donnerai ordre de m'y conduire sur l'heure, car je ne suis pas seul, et mes enfants doivent attendre mon retour sans quitter la voiture. »« Vous ne serez pas longtemps absente, madame, » reprit l'inconnu en saluant de nouveau, « mais votre carrosse ne saurait suivre le chemin que nous allons prendre. L'affaire presse, et vous seriez la première chagrine des conséquences d'un retard. »« Il vaut mieux que votre carrosse s'en aille attendre votre retour, » dans la cour basse des communs, où il vous faudra descendre pour gagner le logement qui vous est réservé au château. « Monsieur, » se prit à dire Charles de Sévigné, pendant que sa mère sortait de la voiture, « ne tenez pas en mauvaise part le fâcheux état où vous voyez notre carrosse et la livrée de nos gens. C'est un malotru qui les a ainsi éclaboussés sur la route, et je suis encore confus et dépité de n'avoir pas châtié son insolence. Si je connaissais son maître, ce maître-là paierait au double pour son balai. » « Ne vous échauffez pas pour si peu, monsieur le marquis, » repartit le gentilhomme. « Il suffira d'un coup de brosse ou d'un coup d'éponge pour remettre les choses en leur état présentable, et si nous retrouvons le malotru, je vous aiderai à le rosser d'importance. » Le jeune Sévigné rougit d'orgueil en s'entendant qualifier de marquis par un homme qui, en jugé par le ton et par l'habit, devait appartenir à la maison militaire du roi ou d'un prince du sang. Il se redressa d'un air de suffisance et envoya un regard satisfait à sa sœur qui s'était cachée dans ses coiffes. La marquise de Sévigné, quoique richement et galamment habillée sous son costume de voyage, n'avait pas fait difficulté de descendre de voiture et d'accompagner à pied son guide inconnu, d'autant plus qu'elle était pourvue d'une double chaussure qui lui permettait de braver la marche dans de plus mauvais chemins. Elle donna des ordres à ses domestiques en leur laissant la garde de ses enfants, et elle s'éloigna en suivant le gentilhomme qui n'eut pas osé lui offrir le bras. D'après ses instructions, le cocher conduisit le carrosse en contournant les nouveaux bâtiments du château dans une des cours de service où devaient se rendre les voitures de toutes les personnes qui avaient reçu des invitations de la part du roi. Charles de Sévigné causa d'abord de choses et d'autres avec sa sœur, qui n'était pas rassurée en se voyant seule avec lui en l'absence de leur mère, et qui jetait des regards furtifs par la portière. Elle aperçut avec inquiétude un homme qui semblait faire le guet derrière la voiture et qui ne la perdait pas de vue un moment. Elle examina timidement les allures de cette espèce d'espion avant de le faire remarquer à son frère. C'était un petit bout d'homme, gros et court, qui portait fièrement une tête énorme avec la figure la plus hétéroclite et qui ne paraissait pas embarrassé de montrer une pareille figure. Des yeux ronds de chat-huant, un long nez crochu comme un bec de vautour, une énorme bouche aux dents saillantes, le tout au milieu d'un masque grimaçant sous une peau jaunâtre et ridée. Ce monstre avait d'ailleurs une physionomie joviale et comique qui n'était pas faite pour inspirer de la défiance ou de l'effroi malgré la difformité des traits de son visage. Il était assez bien pris dans sa taille et ne manquait pas dans son port d'une certaine distinction qui provenait surtout de l'assurance que lui donnait sa position personnelle, sinon son rang à la cour. Le costume de ce singulier personnage n'annonçait pas cependant un courtisan. Il était vêtu à l'espagnole, casaque longue à manches bouffantes et chausses également bouffantes autour des reins, tout en satin noir avec des crevés de satin rouge. Il portait une collerette tuyautée à quatre rangs et une large ceinture de cuir de cordoue doré. Il tenait à la main une espèce de sceptre, à l'extrémité duquel s'agitaient quatre grelots d'argent. Ce sceptre de bois d'ébène, qui n'était pas une canne, devait être un bâton de commandement et servir d'attribut aux fonctions qu'il avait à remplir dans le château. « C'est probablement un des concierges du château, » dit Charles de Sévigné. « On croirait volontiers qu'il a été choisi exprès pour faire peur aux gens. » « Si nous étions en carnaval, » reprit mademoiselle de Sévigné, « je penserais que c'est un vrai carême prenant. » Tout à coup, Charles de Sévigné reconnut dans un coin de la cour des communs le haquet qui avait si bien éclaboussé le carrosse de sa mère. Le bahut, enveloppé de couvertures et de toile à matelas, qu'il se souvenait d'avoir vu sur ce haquet, ne s'y trouvait plus, mais le cheval était encore attelé et le petit marquis aperçut, à l'entrée d'un passage voûté, le conducteur du haquet, lequel ne portait plus son costume déguenillé en toile à carreaux de velours, mais qui se montrait dans un costume de théâtre en velours noir parsemé d'or, avec une toque à plumes noires, comme s'il allait monter sur la scène. « Par la mordieu ! » s'écria Charles de Sévigné. « Voici le coquin qui nous a inondés de boue et qui n'en a fait que rire. Je veux lui dire sans fête et le traiter comme il mérite de l'être. »« Quelle folie ! » reprit mademoiselle de Sévigné, qui cherchait à le raisonner. « Tu n'iras pas sans doute te commettre avec ce comédien. » Mais Sévigné avait déjà sauté à bas du carrosse et courait demander une explication à ce grand garçon qui avait aussi reconnu le carrosse couvert de boue et qui n'était plus disposé à soutenir une querelle en plein château de Versailles contre un jeune seigneur de la cour. Il voulait se dérober à cette rencontre délicate, mais Charles de Sévigné ne lui en donna pas le temps et le saisit rudement par le bras. « Mordieu, monsieur le comédien, lui dit-il, je vous retrouve à propos pour vous faire essuyer avec votre langue les jolies éclaboussures que vous avez faites sur mes armoiries et sur la livrée de mes gens. « Mon prince, » répliqua le conducteur du haquet, interdit de cette brusque allocution et ne sachant qu'il avait affaire, « je vous jure que l'accident dont vous vous plaignez est arrivé à mon insu et je m'en lave les mains. « Vous laverez d'abord mon carrosse, » interrompit Sévigné, qui avait le caractère le plus querelleur et le plus obstiné. « Prenez une brosse, s'il vous plaît, et venez nettoyer la livrée que vous avez si joliment accommodée. » « Autrement, j'appelle mes gens et je leur ordonne de vous bâtonner de la belle manière. »« Bâtonner quelqu'un dans le palais du roi ?» cria une voix glapissante qui force à Sévigné à changer d'objet et d'adversaire. « Bâtonner monsieur Raisin ?» ajouta le petit homme, vêtu de satin noir, qui venait d'accourir en secouant son sceptre à grelot. « C'est là une audace extraordinaire. »« Si monsieur était gentilhomme, » répliqua Sévigné en désignant le comédien qui ne songeait qu'à s'esquiver, « je lui aurais proposé de mesurer son épée avec la mienne et de me rendre raison de son insulte. »« Vous laverez d'abord mon carrosse, » dit au comédien le marquis de Sévigné. « Juste ciel, ce jeune seigneur a perdu le sens, » repartit le petit homme qui brandissait sa marotte en la faisant tourner à tour de bras. « Provoquer les gens en duel dans le palais du roi, vouloir forcer M. Raisin à tirer l'épée, avoir l'idée infernale de tuer M. Raisin chez le roi, c'est là un crime de lèse-majesté. » « Monsieur, je vous fais sincèrement mes excuses, » dit en s'adressant au marquis de Sévigné, le comédien qui s'effrayait des conséquences de cette querelle bruyante, « et je m'en remets à mon ami Langély pour vous donner satisfaction. » En disant cela, le comédien salua profondément et disparut dans un corridor sombre où il s'était jeté pour échapper à un plus long entretien. Charles Sévigné resta interdit et furieux. Il s'apprêtait à porter sa colère contre l'étrange personnage qui l'avait empêché d'avoir raison d'une injure, lorsque celui-ci lui toucha l'épaule avec le sceptre à grelot qu'il n'avait pas cessé d'agiter comme l'emblème de son autorité. « Monsieur le marquis, » dit-il avec un accent impérieux et sévère que démentait l'expression burlesque de sa figure grimaçante, « nous avons le regret de vous placer sous notre surveillance immédiate pour éviter un scandale dans la maison du roi et pour nous opposer un duel entre deux hommes d'honneur. Vous plaît-il de me suivre, monsieur le marquis ?» Sévigné crut avoir affaire à un officier du palais ayant à exécuter un pouvoir quelconque que cet officier tenait de ses fonctions. Il ne fit aucune résistance et suivit silencieusement ce nain grotesque qui marchait en avant, son sceptre levé, comme pour affirmer le droit d'arrestation qu'il avait invoqué. Ils entrèrent sous la voûte principale des communs du château et s'enfoncèrent dans des corridors tortueux et sombres que connaissait le guide de Charles de Sévigné. Ce dernier n'avait pas peur, mais il éprouvait une sorte d'inquiétude en s'imaginant qu'il allait comparaître devant un tribunal, car il n'ignorait pas que les duels étaient interdits sous les peines les plus rigoureuses et que le tribunal des maréchaux de France ou de la Connétablie réglait sans appel toutes les querelles de point d'honneur. Mademoiselle de Sévigné avait compris que son frère, dont elle redoutait les emportements et les violences, s'était engagé imprudemment dans une querelle dont elle ne pouvait apprécier à distance l'objet et la portée, mais elle avait vu se former autour du centre de la dispute un groupe de spectateurs qui l'empêchait de distinguer ce qui se passait. Elle entendait seulement le bruit confus d'une altercation dans laquelle dominait la voix de Charles de Sévigné. Elle attendit avec anxiété la fin de l'aventure et elle avertit le petit laquais, qui était debout à la portière du carrosse, de prêter secours à son maître dès qu'il en serait temps. Le petit laquais, qui n'était pas d'âge à intervenir utilement dans un conflit où son jeune maître aurait besoin d'aide, profita de la permission qu'on lui en donnait pour venir se réunir aux curieux qui étaient bien aises d'assister au débat d'un jeune seigneur avec un comédien. Ils entrèrent sous la voûte principale des communs du château. Quand Mademoiselle de Sévigné constata que son frère n'était plus là et que la foule qui l'avait entouré se dispersait, elle eut à cœur de savoir ce qu'il était devenu et de lui porter elle-même aide et secours s'il en avait besoin. Elle triompha de sa timidité naturelle sous l'empire de son affection fraternelle. Il descendit de carrosse sans attendre le retour du petit laquais qui s'était éloigné. Elle se dirigea résolument vers l'endroit où Charles de Sévigné avait disparu et elle n'hésita pas à s'avancer dans un corridor solitaire que son frère avait dû suivre en partant du même point qu'elle. Mais quand elle arriva dans une espèce de carrefour auquel aboutissaient 5 ou 6 chemins différents, elle en prit un au hasard, lequel n'était pas sans doute celui que Charles de Sévigné avait pris, car elle n'eut bientôt plus l'espoir de le rejoindre. Elle marchait hâtivement, sans rencontrer personne, au milieu d'un dédale de passages obscurs qui l'éloignait du but qu'elle espérait atteindre, et lorsqu'elle essaya de retourner en arrière, elle reconnut avec anxiété qu'elle s'était tout à fait égarée. Son effroi s'augmenta de plus en plus quand elle entendit pousser des cris qui retentissaient par intervalles à travers les longues galeries voûtées et que les échos souterrains se renvoyaient de l'un à l'autre en rendant ces cris lointains plus inarticulés et plus confus. Elle écoutait, immobile et terrifiée. À plusieurs reprises, elle avait cru reconnaître la voix de son frère, mais aussitôt cette voix, qui semblait prendre le caractère de la menace et de la colère, avait été couverte par des éclats de rire prolongés. Puis des portes s'ouvrirent et se fermèrent avec fracas, et tout rentra dans le silence. Mademoiselle de Sévigné fut plus effrayée de ce silence qu'elle ne l'avait été des bruits vagues et incertains qui lui annonçaient du moins la présence de quelques êtres vivants. Elle doubla le pas et n'eut plus d'autre idée que de sortir de l'ombre qui semblait à chaque instant s'épaissir autour d'elle, car la nuit approchait et la pauvre jeune fille pouvait prévoir que d'un moment à l'autre elle se trouverait arrêtée sans savoir où elle serait au milieu des ténèbres. C'est alors qu'elle se vit au pied d'un grand escalier qui paraissait aboutir aux étages supérieurs. Elle ne songea plus à descendre pour arriver à un passage qui la ramènerait à la grande cour des communs. Elle se préoccupa plutôt de monter dans les communs où elle aurait chance de rencontrer un des gens du château qui l'aiderait à regagner son carrosse. Malheureusement, c'était l'heure du souper et elle ne trouva pas sur son chemin un seul domestique. Enfin, après bien des tours et des détours, elle parvint, quand le jour lui faisait défaut, à gagner un corridor éclairé par une lampe. Elle se crut sauvée, d'autant plus qu'elle distinguait à l'extrémité de ce corridor une assez vive clarté qui venait d'une porte entrouverte. Elle se dirigea rapidement vers cette porte et entra dans une grande chambre où elle entendait une voix étouffée et inintelligible, accompagnée de petits coups répétés qu'on frappait contre les parois d'une caisse sonore. La personne qui occupait cette chambre ne devait pas être loin, car elle avait laissé sur une console 2 grosses bougies allumées. Au milieu de la pièce, il y avait une espèce de coffre immense dont la forme était assez inusitée pour que Mademoiselle de Sévigné se rappelât avoir vu, le jour même, ce coffre bizarre porté sur un haquet, que traînait un cheval et que conduisait un homme en costume de comédien, celui-là même avec qui le jeune marquis de Sévigné s'était pris de querelle sur la route de Versailles. Ce souvenir imprévu n'annonçait rien de bon à Mademoiselle de Sévigné, qui n'avait rien de plus pressé que de sortir de cette chambre, mais elle en fut empêchée par l'approche de deux personnes qui allaient y rentrer en parlant à demi-voix. En même temps, les petits coups qu'elle avait entendus résonner comme dans un meuble retentirent de nouveau, et la voix qui les accompagnait sourdement devint plus distincte et plus grondeuse. « Voulez-vous donc que je meure là-dedans ? » cria la voix. « J'aimerais mieux être enfermé dans un cachot que dans cette boîte. Père, délivre-moi, pour l'amour de Dieu ! J'ai grand besoin de respirer un peu avant de commencer mes exercices. Je me passerai de nourriture, bien que je n'aie ni bu ni mangé depuis notre départ. Oh là ! Vous m'avez donc abandonné, que vous ne répondez pas à mes plaintes ? Par pitié, grand-mère, obtiens pour moi un quart d'heure de liberté, afin que je puisse reprendre haleine. Père, au nom du ciel, grand-mère, bonne grand-mère, sauve la vie à ton petit Jean-Baptiste !» Mademoiselle de Sévigné n'avait pu saisir qu'une partie de ces paroles, prononcée avec l'accent de la prière dans l'intérieur du grand coffre, où devait être enfermé un personnage invisible qui ne se lassait pas de cogner contre les parois de sa prison. Elle n'osa pas attendre de pied ferme les deux individus qui se querellaient au moment où ils allaient reparaître dans la chambre, et elle se cacha, toute tremblante, derrière une tapisserie qui la dérobait à la vue de ce comédien et de cette vieille bohémienne qu'elle n'avait pas oubliée depuis la querelle de son frère avec eux. « Auras-tu bientôt fini de faire le sabbat, méchant garçon ?» s'écria le comédien d'une voix de stentor. « As-tu juré de ruiner ta famille ? Je ne sais ce qui me retient que je ne te roue de coups. Mauvais drôle, je t'emprisonnerai dans ta boîte 10 jours durant. » « Jacques, sois donc plus humain pour l'enfant, » reprit la vieille femme d'un ton suppliant. « Le pauvre petit est encore à jeun depuis ce matin. »« Il a eu le temps de dormir, » répliqua durement le comédien. « Le fripon sait bien que tu ne voudrais pas qu'il se couchât sans souper. N'est-il pas juste que nous commencions par souper nous-mêmes, nous qui avons le plus de peine et de travail ?»« L'enfant a faim, » dit la vieille. « Dépêche-toi de lui donner de l'air, mon cher Jacques, et permets-lui de manger et de boire tranquillement ce que je lui destine. Mais d'abord, crainte de surprise, fermons les portes avant d'ouvrir la boîte. » La bohémienne s'assura que les portes de la chambre étaient fermées au verrou, pendant que le comédien enlevait d'abord le dessus du coffre et mettait à découvert un orgue portatif sur les touches duquel il promena ses doigts pour vérifier si l'instrument avait conservé son accord. Puis, oubliant qu'un malheureux prisonnier attendait impatiemment sa délivrance, il se mit à exécuter un grand morceau de musique sacrée en faisant vibrer les cordes de l'instrument qui rendait un son aussi puissant que celui de l'orgue dans une église. Le son allait se prolongeant et se répercutant hors de la chambre, à faire croire aux personnes qui pouvaient l'entendre qu'on célébrait quelque part une cérémonie religieuse. Ce n'était pourtant ni l'heure ni le lieu pour cela. « Jacques, nous ne sommes pas mandés à Versailles pour exécuter un stabat dans la chapelle du roi, » dit la vieille, en posant sa main décharnée sur l'épaule de l'organiste, qui s'exaltait sous l'inspiration musicale. « Il ne s'agit pour ce soir que de musique profane et divertissante. » Le musicien ne répondit pas, et changeant de thème, il se mit à jouer un air d'opéra, avec tant d'éclat et de belle humeur que ses auditeurs, s'il en avait eu, ne se fussent pas lassés de l'écouter et de l'applaudir. Mais il fut interrompu par de nouveaux coups frappés doucement contre le clavier de l'orgue et par une voix lamentable qui s'en échappait en répétant « Père, j'ai faim, grand-mère, j'ai bien faim !»« Ce petit masque ne fera jamais un musicien !» s'écria l'exécutant qui cessa de jouer et qui alla, en grommelant, ouvrir par derrière le coffre où le mécanisme de son orgue était renfermé. « Ne suis-je pas bien malheureux d'avoir un fils si peu sensible au charme de la musique ?» La petite porte qui venait de s'ouvrir, à l'aide d'un ressort caché au bas de l'instrument, était déguisée avec tant d'art qu'il n'eût pas été possible de soupçonner son existence. Il sortit de là un enfant de 6 ou 7 ans, à moitié nu, qui se traîna sur le carreau, marchant à 4 pattes comme un animal, et qui ne pouvait plus se relever, tant ses pauvres membres étaient devenus raides et inertes, par suite de la position gênante et comprimée qu'il avait dû garder depuis plusieurs heures dans l'étroit espace où il se trouvait blotti. La bohémienne le prit entre ses bras et l'enveloppa dans le pan de sa robe comme pour le réchauffer et lui rendre, avec la chaleur vitale, la souplesse de ses mouvements. « Cher petit, tu vas faire un bon repas, » lui disait-elle avec tendresse. « J'ai là pour toi du bon vieux vin, de la table du roi, une belle langue fumée, un pigeon rôti, un rable de lièvre, des pâtisseries, des confitures. » « N'avez-vous pas honte, la mère, de gâter ce maudit paresseux ?» murmurait le comédien, qui s'était emparé du flacon de vin destiné à l'enfant et qui l'eût vidé en trois traits. « Il n'a pas encore travaillé aujourd'hui, et après avoir dormi comme un loir, il crie la faim et se plaint d'avoir le ventre vide quand le nôtre est à peine rempli. Vous allez maintenant le gorger et l'étouffer de nourriture, de telle sorte que son jeu s'en ressentira et qu'il est capable de s'endormir ensuite sur son épinette. » « Mange, petit, » disait la vieille, « ne te soucie pas de ses gronderies. Il n'est pas méchant, ton père, » ajoutait-elle, en présentant à l'enfant les aliments qu'il dévorait en silence, les yeux pleins de larmes. « Non, il n'est pas méchant. Il a besoin de toi, puisque tu es l'âme de sa machine. Mais c'est sa musique qui l'occupe et l'intéresse plus que tout. Mange à ta faim, cher petit, ne te presse pas. Nous avons le temps, et tu peux manger à ton aise. » « Le pauvre enfant mourrait de faim, » dit-elle en s'adressant au musicien. « Vois comme il mange de bel appétit. »« Je regrette vraiment, » reprit-elle à voix basse, « qu'il n'ait pas un coup de vin à boire pour se donner des forces. »« Il s'agit bien de boire, » murmura le père qui tirait de son orgue quelques accords isolés pour s'assurer que les touches du clavier faisaient vibrer exactement toutes les cordes de l'instrument. « Il s'agit de mon honneur, il s'agit de notre fortune. » Nous allons jouer tout notre va-tout devant le roi et devant la cour. Ce soir, nous serons riches et heureux. Sinon, il me faudra renoncer à la musique et remonter sur le théâtre pour gagner notre vie péniblement, misérablement, car il y a trop de comédiens en France et le métier devient plus mauvais tous les jours. Nous réussirons, j'en suis sûr, Jacques, répliqua la vieille, qui n'avait des yeux que pour l'enfant dont elle dirigeait et encourageait l'appétit. « Quand notre Jean-Baptiste aura mangé à sa faim, il fera des merveilles. »« Aura-t-il bientôt fini de tordre et d'avaler ?» grommela le musicien, qui avait terminé l'examen de la tonalité des accords de son instrument. « Il est grand temps qu'il rentre dans sa boîte. »« Rien ne presse, Jacques, » dit la bohémienne avec un air suppliant. « L'enfant était si affamé après avoir jeûné tout le jour. D'ailleurs, mon pauvre petit, tu emporteras là-dedans les pâtisseries et les sucreries. » « Oh, qu'il se garde bien de faire le moindre bruit !» s'écria le musicien avec colère. « Car nous devons paraître devant le roi, à 9 heures précises, et le moment est proche. Entends-tu, Jean-Baptiste, si tu manques ton jeu, si tu fais une fausse note, je te fouetterai jusqu'au sang, et même, si je ne réussis pas, par ta faute, oui, par ta faute, je t'étranglerai de ma main !» Tout à coup, un cri étouffé fut suivi de la chute d'un corps derrière la tapisserie qui formait dans la chambre une espèce d'alcôve ou de cabinet. C'était Mademoiselle de Sévigné, qui venait de s'évanouir sous l'empire de l'émotion ou de la crainte. Mais, comme tout rentra dans le silence, à la suite de ce bruit imprévu et inexpliqué, le comédien et sa mère, qui en avaient été surpris plutôt qu'effrayés, ne se rendirent pas compte de son origine et ne cherchèrent pas à la découvrir. « Il y a du monde dans une chambre voisine où l'on a fait tomber quelque chose ?» dit la bohémienne en baissant la voix. « À Dieu ne plaise qu'on n'ait pas entendu la menace horrible que tu as faite à ce pauvre petit. On nous prendrait pour des bourreaux. C'est mal, Jacques, c'est le fait d'un mauvais père que de martyriser ainsi un enfant. » L'enfant était rentré en pleurant dans l'intérieur du coffre où une cachette lui avait été ménagée, et le père, sans lui adresser une parole de tendresse ou d'encouragement, s'était hâté de refermer soigneusement l'étroit tissu par lequel le petit prisonnier avait regagné son gîte. Le musicien ne répondit pas aux reproches de sa mère et se jeta, l'air hargneux et renfrogné, dans un fauteuil où il feignit de s'endormir. La vieille femme s'était accroupie contre le coffre où l'enfant était caché et elle pleurait, la tête appuyée sur la cloison de bois, derrière laquelle ce malheureux enfant pleurait sans doute aussi. Après quelques instants de douleur muette, elle voulut de nouveau admonester son fils et l'intéresser en faveur de l'innocente victime qu'il traitait avec tant de rudesse et d'inhumanité. « Je ne sais pas, en vérité, » dit-elle en parlant à la sourdine, « s'il faut savoir gré au sieur Longélie de t'avoir fait obtenir la grâce de jouer de ton instrument devant le roi. Je maudis aussi ton invention qui a fait le malheur de notre petit Jean-Baptiste. C'est l'ambition qui te possède, Jacques. Tu veux être riche? Tu veux devenir un personnage comme Monseigneur Longélie? Mais pour faire figure à la cour, tu devrais d'abord te déshabituer de boire sans cesse, d'être toujours entre deux vins. Tu ne me réponds pas. Tu fais semblant de dormir, Jacques. Écoute ta vieille mère, qui n'a pas longtemps à vivre, et qui se désole à l'idée de te laisser l'enfant, ce pauvre enfant que tu maltraites à plaisir et que tu tuerais si je n'étais pas là pour le défendre. Écoute-moi, Jacques. Je prendrai l'enfant avec moi, et nous irons ensemble, lui et moi, dans quelque troupe de bohémiens, où du moins il ne sera pas injurié, menacé, battu par son père. Quant à toi, tu n'es pas en peine de gagner ta vie si tu cesses de boire. Tu redeviendras comédien dans quelque troupe ambulante, car c'est en vain que ton ami Longélie se flatte de l'espoir de t'enrôler dans la troupe royale de l'hôtel de Bourgogne. Tu as encore la ressource de retourner à Troyes et d'y être comme naguère, organiste de la cathédrale. Mais répondras-tu, méchant garçon, je te jure ma foi que si tu n'as point pitié de mon enfant, que si tu le frappes, que si tu le prives d'air et de nourriture, que si tu le tiens impitoyablement enfermé dans ta machine, j'irai moi, ta vieille mère, me jeter aux pieds du roi et lui demander justice contre toi pour le salut de mon enfant. » Le musicien n'avait rien écouté de cette longue et lamentable allocution, mais Mademoiselle de Sévigné, qui avait repris connaissance, entendait les plaintes de la grand-mère et se promettait tout bas de prendre la défense de cet enfant qu'il fallait arracher à la cruauté d'un père sans entrailles. La bohémienne, n'obtenant pas de réponse, s'était mise à prier Dieu et lui recommandait la destinée de son petit-fils.